Chapitre 2. Monsieur Feuillard raconte ce qu'il sait. Jean Mareuil, qui avait préalablement téléphoné, sonna vers 7 heures du soir à la porte de son ami, Maître Feuillard, le notaire le plus homme du monde de Paris. Jean Mareuil, par exception, devait assister ce soir-là, comme Maître Feuillard lui-même, à la première représentation d'un drame lyrique. Ils avaient convenu de dîner ensemble au cabaret, puisque Jean Mareuil éprouvait le besoin de causer avec le tabellion gentleman. Celui-ci, sous les armes, attendait. Le même uniforme de soirée les habillait tous deux d'un macfarlane noir. Ici et là, le même haut de forme de soie mate, le même foulard blanc et presque la même canne de bois foncé tentaient d'égaliser le notaire et le dandy. Il y avait pourtant bien des différences entre la distinction de Jean Mareuil et le chic beaucoup plus banal de l'officier ministériel. Mais leur face-à-face prouvait à quel point il est difficile d'identifier, la nuit, dans l'ombre d'une rue mal éclairée, tel clubman et tel autre. « Te voilà, jolie personne !» dit le notaire. Et comme Jean Mareuil protestait d'un geste cocassement offisqué, il reprit « Laisse, laisse, prince charmant, tu le sais bien, canaille, que tu es délicieux. Regardez-moi ce jeune Antinous. Marche un peu, Mareuil, que je te vois. Personne ne marche comme toi. Où diantre as-tu pris cette souplesse? Non, tu ne veux pas m'être agréable? Alors raconte-moi ton affaire, car je suppose que c'est une affaire qui me procure ce plaisir. Qu'est-ce? Placement par hypothèque? Acquisition d'immeubles? Parle, tu t'expliqueras tout en allant. Descendons. Voilà, dit Jean Mareuil, il m'arrive une chose exquise. Mariage? Tu l'as dit. Contre qui? Mademoiselle Laval, la fille de l'explorateur. Pourquoi souris-tu comme ça? Ils montaient en voiture. Maître Feuillard commença. Je souris pour deux raisons, mon vieux. D'abord, parce que je suis content, très content de ton choix. Mademoiselle Gilberte Laval est une jeune fille adorable dont on dit le plus grand bien, trop gâtée sans doute, tu permets, mais au dire de tous, un beau caractère, ferme et droit. Je ne t'aurais pas cru si documentée. C'est que tu as de la chance comme toujours. Je suis le notaire de la famille. Mais j'ai souri également à cause de la tante, Madame de Prince, et de son coquin de fils. Et pourquoi donc? Comment? Tu ne sais pas que tu ruines leurs plus chères espérances? Mon Dieu, fit Jean Mareuil avec détachement, je dois t'avouer que j'ignore à peu près tout de la famille Laval et que... Le notaire le fixa d'un œil méfiant, assez comique. Jean Mareuil baissait les paupières et jouait avec ses gants, l'air distrait. Ah ça, fit Maître Feuillard, est-ce que tu te fiches de moi? Avec toi, on ne sait jamais. Je t'assure, mon cher ami, et si tu pouvais... Tu ne plaisantes pas? De grands yeux, d'un bleu pâle, des yeux de bonté, d'intelligence et d'énergie, le regardèrent. Si tu es à même de m'entretenir des Laval et des Princes, dit Jean Mareuil, je te demande très simplement de bien vouloir le faire, te déclarant sans plus que j'aime Mademoiselle Laval, que je l'épouserai et que, jusqu'ici, je ne me suis nullement préoccupé d'approfondir les desseins de Madame de Prince et de son fils. Je n'ai fait, d'ailleurs, qu'apercevoir cette excellente dame. Quant à Lionel de Prince, que je rencontre de loin en loin, il m'est indifférent, pour ne pas dire antipathique. J'ajoute que je n'étais pas venu te voir dans l'intention de t'interroger là-dessus, mais simplement pour m'enquérir auprès de toi des mystères du contrat de mariage. « Bon, dit le notaire, et pardonne mon hésitation, mais cela me paraît si drôle, à moi, qu'on s'engage comme cela, à l'aveuglette. Nous autres, vois-tu, nous ne fiançons pas des êtres qui s'aiment, nous accordons des familles qui croient se convenir. D'où mon étonnement tout à l'heure. Et puis, mon vieux, tu sais, je ne pourrai jamais m'habituer à ces airs que tu prends parfois. »« Ces airs? Seigneur, je prends des airs, moi ?» Eh oui, quand tu te mets à rêvasser, quand tu t'isoles en toi-même. Tu parais alors si lointain, si absorbé ou si distrait, qu'on se demande, sait-il seulement ce qu'il vient de dire? Jean Mareuil se mit à rire. c'est que je poursuis quelque travail. C'est qu'un problème quelconque me revient à l'esprit. » Maître Feuillard le regarda longuement. « Quel type ! » dit-il enfin. « Je mourrai sans t'avoir compris, ô poète, ô philosophe, ô artiste, ô toutes sortes d'individus énigmatiques. » « Je t'écoute, » fit Jean Mareuil. « Allons, il était une fois... » « Il était une fois deux sœurs, les demoiselles Osmond. L'aînée, Élisabeth, épousa le comte de Prins, officier sans fortune. La seconde, sensiblement plus jeune et qui s'appelait Jeanne, fut distinguée par un homme remarquable et fort riche, Guy Laval, explorateur de l'Afrique centrale. » Quelques 10 ans après le mariage de l'aîné, son mari, le capitaine de Prins, mourut de sa belle mort, ce qui signifie pour un militaire sur le champ de bataille. Il laissait un fils, Lionel. Tu me suis, Jean Mareuil? Oui. Mais certainement, mon vieux. C'est que tu as l'air d'être dans la lune. Je reprends. Voici donc Madame de Prins, veuve et peu fortunée. Mais sa sœur, Madame Laval, la si jolie Madame Laval, est plusieurs fois millionnaire. Elle habite à Neuilly, en bordure du bois, un hôtel des plus vastes, et elle passe l'été dans le beau domaine de Luvercy, l'un des bijoux de la vallée de Chevreuse. Tous ses biens venaient du père Laval, industriel. Guy Laval et sa femme furent d'accord pour prier Madame de Prins de venir s'installer chez eux avec son fils et prendre ainsi sa part d'une existence luxueuse. Ce qui fut accepté d'enthousiasme. C'était, il faut que tu le saches, c'était un couple charmant et un ménage parfait que ces Guy Laval, qui seraient aujourd'hui tes futurs beaux-parents, si la destinée ne les avait ravis à ton affection. Ils adoraient leur fille, qui était alors une gamine espiègle et gentille au possible. Cependant, Guy Laval suivait son irrésistible vocation. Plus forte que l'amour, plus puissante que l'affection paternelle, la passion du danger, des voyages, des expéditions lointaines l'enflammait. Il était absent plus de 6 fois sur 12. Dans ces conditions, tu t'expliques qu'il ait saisi avec joie l'occasion d'héberger sa belle-sœur et son neveu, c'est-à-dire de faire une bonne œuvre en donnant à sa femme la compagnie de sa sœur affectionnée. Entre parenthèses, il se trouva que cette bonne œuvre prit rapidement tournure de bonne affaire, car Madame de Prins était aussi méthodique, aussi économe, que Madame Laval, si captivante, était brouillonne et dépensière. Et il arriva que bientôt, ce fut la veuve qui régna sur l'office, la cuisine et la cave, pour le plus grand bien de la maison Laval. Ainsi allaient les choses. Tu m'écoutes? Tu es sûr de m'écouter? Ainsi, dis-je, allaient les choses lorsque Madame Laval mourut, il y a, si je me rappelle bien, un peu plus de 5 ans. Elle mourut à Luvercy pendant un séjour de Guy Laval et par sa faute. Ce fut tragique. Il était revenu depuis quelques jours des profondeurs africaines, rapportant, entre autres curiosités, un lot de serpents qu'il comptait offrir à l'État. « Ça, je le sais, » interrompit Jean Mareuil. « Je me rappelle. » Les journaux en ont parlé. Une des bêtes s'échappa, n'est-il pas vrai? Et Madame Laval fut piquée pendant son sommeil. C'est bien cela. Guy Laval en resta frappé. On craignit pour sa raison. Et, il faut dire, à la louange de Madame de Prins, qu'elle soigna son beau-frère avec beaucoup de dévouement, malgré son propre chagrin qui était grand. Mais Guy Laval demeurait inconsolable. Ce malheur, son œuvre, le hantait de remords torturants. Dès qu'il fut en état de repartir, il prépara une nouvelle expédition pour le Haut-Niger. Ceux qui le fréquentèrent à cette époque eurent l'impression qu'il n'en reviendrait pas. On fit l'impossible pour l'empêcher de partir. Au bout de 6 mois, il partit néanmoins et n'est pas revenu. Aussi bien, son testament, qu'il avait déposé chez moi avant de quitter la France, était significatif. En cas de décès, il confiait sa chère petite Gilberte à Madame de Prins, et cela dans des termes tels qu'on ne pouvait douter du sort qu'il se préparait à lui-même. Il tomba sous les coups d'une tribu sauvage, follement provoquée, au cours d'une reconnaissance pour laquelle il avait refusé toute escorte. On retrouva son corps percé de flèches et atrocement mutilé. La nouvelle jeta la désolation dans le home de Neuilly. et, à ce propos, un bruit courut que Madame de Praz ne pouvait cacher une douleur, ou plus d'un distingué toute l'amertume de la déception. Elle s'était ingéniée à retenir son beau-frère en France. Sans doute, des horizons nouveaux s'étaient-ils ouverts devant elle par suite de la mort de sa sœur. Il fut visible qu'une fois consolée de ce deuil, elle aspirait à devenir la seconde Madame Laval. Et comme Madame de Praz semble peu faite pour l'amour, les méchantes langues prétendirent qu'elle ne pouvait se résoudre à voir lui échapper les millions de l'explorateur. Ces millions, elle ne les désirait que pour son fils. Cela est évident. Car cette femme modeste, humble parfois, est une mère passionnée. Lionel avait alors 17 ou 18 ans, Mademoiselle Laval 13 ans environ. Il est certain que, de tout temps, Madame de Praz avait caressé le projet de marier son fils avec sa nièce. Mais en attendant de réaliser ce projet que mille circonstances pouvaient contrarier, elle eût aimé, par son mariage avec Guy Laval, s'assurer prudemment d'une partie de sa fortune. Cet espoir étant ruiné à jamais, puisque Guy Laval n'existait plus, Madame de Praz n'avait plus qu'une ressource, comme auparavant, unir Lionel à Mademoiselle Gilberte Laval. Et voilà que c'est toi qui épouses. Juge un peu. Eh bien, Mareuil, tu dors? À quoi penses-tu? Le jeune homme cligna des yeux et parut sortir d'un rêve. Je pensais, dit-il, à une petite lampe romaine que j'ai aperçue cet après-midi à la devanture d'un antiquaire. Une petite lampe de bronze dont l'anse d'or figure un orvet. Elle ferait bien dans ma collection. Je crois que je vais me la payer. Maître Feuillard, ahuri, ne trouvait rien à répliquer. Tant d'insouciance le confondait. Il prit le parti de se fâcher. « Au diable ! » fit-il tout rouge. « C'est bien la peine que je m'évertue. Je me demande vraiment ce qu'il faut penser de toi. Original ! Voilà, tu es un original ! Et je ne te l'envoie pas dire !» « Fantaisiste, plutôt !» corrigea Jean Mareuil avec un sourire amusé. « Écoute, conseilla le notaire après un moment. Méfie-toi de la comtesse. Crois-moi, mon vieux. » Jean Mareuil alluma une cigarette et dit, en lançant la première bouffée, « Allons, voyons, explique. Un contrat de mariage, qu'est-ce que c'est, au juste ?» La voiture s'arrêta. Ils entrèrent au cabaret.